tu s'entends, non, que tu s'entends. T'as voulu mal à faire, ça t'a filmé sans temps. En souffrant donc je fais des euros, tous les deux mois change de numéro. J'ai le cœur blanc, j'ai fait pas les héros, j'ai rempli le compte. On m'a dit ne nique pas les gens, la peau elle tourne plus vite qu'une RS. Pour les méchants, on répond pas même tout comme test. Dans le rétro, je vois des disques d'or. Qu'est-ce que des plans, tu dis de diamant. Ça me critique pendant que je dors. J'ai changé de voir, tu ressens mon piqué, pique, alcool et drame. Bourré, bourré, j'ai... Elle est belle et bonne. Paranoïa, tu sais rien, tu. Ma vie, elle s'en fout à mort. Son pique à paradis. Elle veut que tu sois son pote. Mais toi, tu veux que ça soit ta gadget. Pour faire un moment, écoute bien ce que maman dit. La vie, un peu de nas. Trop de gosses. Trop de gosses. Ouais. J'peux pas vos voix, j'fonds du shit. Ouais, mais la coque à sa main. Ça fait des délits de merboule. Mais un scooter à ton nom. J'pourrais faire disque de rubis, même poser dans une tente et choix. Tellement t'étais à ma place, j'peux te dire que sans Dieu que soit. Que me jeter des pierres, j'ai bâti mon avenir avec. Tu m'appelles quand t'es en galère. J'crois que tu m'as pris pour ta navette. Piqué, pique, alcool, les drames. Tout le monde y veut une je fais les plans. J'en ai chaud des fans. J'en ai peine sous les ribanes. Hein? Sous les étoiles, je m'envoie de calme, je suis sous les toits. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Paranoïa, mais bon, tu sais rien à tu. Mamie seule s'en fout à mort. Elle veut faire les choses plus qu'à paradis. Elle veut que tu sois son pote. Mais tu veux que ça soit ta gadget. Avant de faire un monde, mais écoute bien ce que maman dit. Je veux que tu sois sympa, comme toi tu veux que ça soit ta vie. Avant que de faire un monde, écoute bien ce que maman dit. Dans ma paranoïa, mais bon, tu sais. Je crois que là il va se passer quelque chose. Ah, vous voulez faire le refrain? Ah ouais, je crois. Je crois que c'est bien. Vous le faites vite fait. Je vais me lever les oreillettes pour vous écouter. L'équipe, c'est vous là, j'entends. Dans ma paranoïa, mais bon, je sais rien à qui. Mon ministre s'en fout à mort de faire les shopping à paradis. Pote, avant de faire un monde, piqué, pique, alcool et drame. Bourré, bourré, je suis mishkan. Venez, je t'ai des fans. Merci, merci bien la zone. Par contre là, j'ai de la visite aujourd'hui. J'ai de la visite aujourd'hui. Hermano. Il est où Hermano? Hermano de la calle. Hermano de la calle. Hermano. Hermano. Que passo Hermano? Que? Un maximum de bruit pour moi. Du bruit pour